Suggestion de livre, Les Divergents de Jean Cazot. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Jean Cazot est un auteur dans le domaine de la métaphysique et de l'ufologie qui a écrit plusieurs livres au fil du temps. Et là, il vient de sortir tout récemment un livre qui porte sur les divergents. D'ailleurs, par rapport aux divergents, il y a quelques années, il y a eu un film, en fait une série de films qui ont été produits à ce sujet et que j'avais visionné, que j'avais trouvé ça intéressant. Tout est basé sur ces films-là, sur le concept qu'il existe des individus qui ne cadrent pas dans la boîte, si on peut dire, qui appartiennent à aucune des catégories. Donc, le concept fondamental qui entoure les films portant sur les divergents et qu'il existe des individus qu'on ne peut pas catégoriser dans certains groupes sociaux. Et ces individus-là qui pensent d'une manière différente, qui fonctionnent d'une manière différente aussi, à travers ces films-là, sont vus comme une menace, bien entendu, au système en place, parce qu'ils ne sont pas encadrables par ce dernier. Et c'est sûr que les films tournent alentour de ces gens qui sont menacés par le système, qui cherchent à les éliminer pour garder son emprise sur les individus qui sont soumis aux catégories. Tandis que les divergents pensent en dehors des catégories, pour employer l'expression anglaise « think outside the box », donc ils pensent au-delà des formes connues, au-delà des programmations sociales, et ainsi de suite. Et le livre qu'a rédigé Jean Cazot, portant sur les divergents, est l'occasion de prendre connaissance de la contribution d'individus qui ont œuvré dans le domaine de la conscience, qui ont touché à des idées marginales au fil des siècles. Donc, il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits par plusieurs individus, que ce soit Allan Kardec, Giordano Bruno. Donc, il y en a plusieurs auxquels on fait référence dans son livre. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre en fait une belle synthèse. Donc, il regroupe des informations en relation avec plusieurs idées qui ont été véhiculées par différents auteurs au fil des siècles pour les présenter dans le livre. Le livre ne vise pas à faire une biographie, à savoir quel individu a été marié avec telle personne pendant combien de temps. Non, l'attention est centrée sur les idées qu'ont amené ces individus. Et c'est fondamentalement ce qui me plaît par rapport au livre. Donc, voir c'est quoi leur contribution. Donc, c'est sûr que dans le passé, la société est extrêmement fermée aux idées nouvelles. Donc, si on pense entre autres, il y a à peine quelques siècles, donc dans les années 1600, donc dans les années en fait 1500, il y avait Giordano Bruno qui a été brûlé vivant à cause de l'Inquisition de la Sainte Église catholique, étant donné qu'il ne pensait pas comme l'Église catholique. Donc, on fait mention de lui dans le livre. Donc, c'est sûr que la société sous l'influence du clergé en Occident est extrêmement fermée aux idées nouvelles, dont ce cas d'individu qui a été brûlé vivant. Puis il y avait un contrôle qui était exercé par la religion pour empêcher les gens de sortir de son influence, de son conditionnement. Donc, ensuite, plusieurs années plus tard, eh bien, il y a eu Allan Kardec qui a développé l'approche du spiritisme et qui a été également condamné par l'Église. Sauf que là, dans ce cas-ci, il n'a pas été brûlé vivant. Ça a été plutôt ses livres qui ont été brûlés. Donc, oui, il parlait de spiritisme, ce qui est une doctrine opposée à celle de l'Église, naturellement, parce que c'est sûr que ces individus peuvent canaliser de l'information directement à partir de leur contact qu'elles ont avec des entités sans passer par l'Église, ben à ce moment-là, l'Église n'a plus le monopole de la vérité ou du savoir ou de la connaissance. Donc, c'est sûr que Allan Kardec a amené des idées où ce que, à quelque part, c'est sûr que si il faisait affaire avec des médiums, le médium peut entrer en contact directement avec le monde des esprits ou de l'autre réalité, mais à ce moment-là, l'Église qui représentait jusqu'alors un intermédiaire entre l'être humain et Dieu n'était plus nécessaire. Et là, à ce moment-là, c'est sûr que si l'Église n'est plus nécessaire entre l'être humain et Dieu pour y accéder, ben à ce moment-là, l'Église peut se sentir menacée. Et ces livres ont été ordonnés qu'ils soient brûlés en 1861, ensuite même jusqu'en 1917. Donc, il y a eu différentes ordonnances par rapport à lui. Lui, il est plus récent que nous autres, donc lui, il n'a pas été brûlé vivant. À la différence de Giordano Bruno, qui parlait de l'univers et de la pluralité des mondes. Dans le fond, où il pourrait avoir de la vie. Donc, il y aurait plusieurs mondes dans l'univers où il pourrait avoir de la vie. Ce qui est très différent de la vision du Moyen-Âge où la Terre était là, au centre de l'univers, là, tout au gravité autour de la Terre avec le géocentrisme. Donc, c'est sûr que par rapport à ces deux divergents-là, puis il y en a plein d'autres dans le livre, ben leurs principales contributions ont été amenées à travers ce document. Et c'est sûr qu'autrefois, les divergents étaient solidement rabroués, donc brûlés vivants, leurs livres brûlés, dans le fond, tassés de la société. C'est sûr que aujourd'hui, le contexte devient plus facilitant avec Internet qui permet de diffuser des idées nouvelles, des moyens de communication. Ensuite, ben, c'est sûr que si on pense au clergé, ben, il est en déclin au Québec, la religion catholique est au déclin. Bien qu'elle existe encore une influence, bien entendu, mais tout de même, il y a un déclin qui s'opère. Et c'est sûr que la situation s'est adoucie au fil des siècles pour permettre à ce qu'il y ait des gens qui aient une façon de fonctionner différente, puissent prendre leur place en société et véhiculer des idées nouvelles. Quoi qu'il reste encore, bien entendu, du chemin à faire, là. Naturellement, je ne dis pas le contraire, bien entendu. C'est sûr que par rapport au livre portant sur les divergents, ce que je veux rajouter, c'est que vous pouvez retrouver à la page 12 et 13 des extraits du texte que j'ai produit et qui s'intitule « Les divergents ». Donc, c'est un texte que j'ai rédigé l'automne dernier. En fait, j'ai été voir récemment à quelle date que je l'ai mis en ligne, et c'était le 23 octobre 2018, donc vous pouvez le retrouver là, aisément sur YouTube. Et par rapport à ce texte-là que j'ai écrit, vous pouvez lire sur mon blog et également écouter en écoutant l'enregistrement audio dont j'en fais la lecture sur YouTube. Eh bien, ça a été un document que j'ai rédigé suite à discussion, entre autres, que j'ai eue avec André Landreville, qui s'intéresse aux divergents. Et puis, elle m'a amené à m'intéresser à ces individus. Et aussi, j'ai écouté aussi l'automne dernier le film portant sur les divergents. Et je trouvais ça intéressant comme concept à explorer. Et puis par la suite, ben c'est ça, j'ai fait un texte où ce que j'exprime la façon que je vois les divergents avec une vision à long terme dans l'avenir. Parce que les divergents, pour moi, c'est des initiés des temps nouveaux. Donc des gens qui vont amener des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'être et qui vont changer également le taux vibratoire de la Terre. Donc changer... l'inconscient collectif que certaines personnes vont parler en introduisant des idées nouvelles qui vont modifier les programmations anciennes pour qu'on puisse entrer de plus en plus dans une civilisation qui va favoriser l'émergence d'idées nouvelles, le respect individuel et qui va permettre à l'humanité de sortir du dogmatisme religieux, de sortir des croyances, des préjugés, des dogmes qui ne pouvaient pas être mis en question pour avoir un peu plus d'air, pour respirer un peu plus de liberté, finalement. Donc, c'est sûr que par rapport au texte, ben c'est sûr c'est agréable pour moi hein, de voir que y en a quand même reproduit une bonne partie en page 12 et 13 là, de son livre, là, du texte que j'avais rédigé, de voir ça. Donc, c'est sûr que pour les gens qui sont curieux de voir ça, ben vous pouvez, bien entendu, vous procurer le livre. Et puis, ce que j'ai à rajouter par rapport aux divergents, c'est que présentement, en étant dans une société en Occident, c'est sûr que l'émergence des divergences va être des divergents va être favorisée. Parce que de plus en plus, les droits individuels sont respectés. Et l'individualisme aussi, ce qui va permettre à des gens de s'épanouir en exprimant puis en manifestant leur individualité de plus en plus. Donc, ça, c'est intéressant pour dans une perspective d'avenir qu'on se dirige de plus en plus vers ça. Et le sort d'une personne aujourd'hui qui exprime des idées nouvelles est mieux qu'autrefois, parce qu'autrefois, ils étaient traqués, ils étaient chassés par l'Inquisition, ils étaient brûlés vivants, ou leurs livres étaient brûlés. Donc, c'est sûr que si on fait un retour historique, puis d'ailleurs, c'est une des forces de Jean Cazot, parce qu'il nous fait part de différents personnages qui ont passé à l'histoire, eh bien, on peut être capable de savourer les libertés auxquelles on a accès aujourd'hui, plutôt que de réfléchir à qu'est-ce qu'on n'a pas, puis qu'est-ce qui devrait y être. Parce que souvent, l'un des pièges dans lequel je tombe, c'est de tourner mon regard vers l'avenir, puis de comparer notre société présente à celle qu'on peut voir, par exemple, dans la série de science-fiction Star Trek, où les gens vont se déplacer aisément dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux. Les principaux problèmes, que ce soit au niveau technologie, associés à la médecine, associés par la suite au déplacement, ainsi de suite, sont réglés là, dans cette époque-là. Fait que c'est sûr que quand je me regarde par rapport à eux autres, que ce soit les gens dans Star Trek, les gens dans Star Wars, qui ont accès à des technologies, entre autres, qu'on n'a pas, puis je me compare par rapport à eux, je peux avoir tendance à être malheureux et être envieux. Par contre, si je tourne mon regard par rapport au passé et regarder le sort qu'avaient les gens dans le passé qui étaient divergents, puis de regarder le sort qu'on a aujourd'hui, ben, je me console à quelque part. Donc, c'est sûr que de regarder les choses avec un recul historique, et de regarder les gens qui ont marqué différentes époques par leurs idées, c'est un exercice extrêmement intéressant. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à aller plus loin là-dedans, et c'est sûr que Jean Cazot, en faisant la synthèse des principales idées associées aux divergents qui ont amené des nouvelles informations, entre autres dans le domaine de la métaphysique, nous épargne à quelque part beaucoup de lectures. Parce que lui, il en a lu plusieurs livres pour rédiger celui présent. Il a pris connaissance de différentes œuvres pour aller chercher les éléments principaux. Donc, il y a déjà un tri qu'il l'a fait par rapport à différentes œuvres dans le domaine, là, entre autres, de la métaphysique, là. Donc, il en fait la synthèse. Donc, en terminant, je souhaite un bon succès à Jean Cazot et à son dernier livre, Les Divergents. Et bien, je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.